La Bible David Martin 1855. Première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Première Thessaloniciens chapitre 1. Paul, et Sylvain, et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, et en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, et nous remettant sans cesse en mémoire l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, et la patience de votre espérance, que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père, sachant, mes frères bien-aimés de Dieu, votre élection. Car la prédication que nous avons faite de l'Évangile au milieu de vous, n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuve convaincante, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Aussi avez-vous été nos imitateurs, et ceux du Seigneur, ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la parole, accompagnés de grandes afflictions. Tellement que vous avez été pour modèle à tous les fidèles de la Macédoine et de la Chaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans la Chaïe, mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Dieu est si célèbre, qu'il ne nous est pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous avez été convertis des idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts, et qui nous délivre de la colère à venir.